إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال جل وعلا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال جل وعلا إن هذا لهو القصص الحق عباد الله موعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع موعظة جديدة من سلسلة المواعظ التي بعنوان الفرقان من قصص القرآن أتدرون ما هي يا عباد الله إنها قصة لقمان عليه السلام عباد الله يخبرنا ربنا جل وعلا في كتابه عن قصة لقمان فيقول سبحانه ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون إلى آخر الآيات عباد الله قصة لقمان مظهر من مظاهر الإيمان يتبين لنا من خلالها كيف يدفع الإيمان صاحبه إلى كل خير ويمنعه من كل شر وكلامنا عن قصة لقمان سيكون حول العناصر التالية لقمان والحكمة ولقمان يعظ ابنه ويحذره من كل شر ولقمان يعظ ابنه ويأمره بكل خير ولقمان يربي ابنه على مراقبة الله عز وجل ونحن نتحدث في هذا اليوم عن لقمان والحكمة عباد الله لقمان والحكمة لقمان كان وليا موصوفا بالحكمة التي من الله بها عليه قال الله جل وعلا ولقد آتينا لقمان الحكمة قصة لقمان فيها دروس وعظات وعبر كثيرة جدا الحكمة فضل الله يؤتيه من يشاء وهذا يؤخذ من قصة لقمان من قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة عباد الله فالله جل وعلا يتفضل بالحكمة على من يشاء من عباده يقول الله جل وعلا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال جل وعلا فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وقال جل وعلا وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب عباد الله الحكمة موهبة ونعمة من الله جل وعلا وبما أن الله عليم حكيم فإنه سبحانه لا يهبها أو لا يهبها إلا لمن هو أهل لها من يحسن أن يتعامل معها وينتفع بها فلا يهبها إلا لمن كان صالحا مطيعا له سبحانه وتعالى. الحكمة يقول العلماء وضع الشيء في موضعه، وقيل الحكمة هي القول المناسب للشخص المناسب في الوقت المناسب بالمقدار المناسب والأسلوب المناسب. مر يوما ما عباد الله، مر رجل بلقمان والناس عنده، فقال: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى. قال: ألست الذي كنت ترعى عند جبل كذا؟ قال: بلى. فما الذي بلغ بك ما أرى؟ قال: تقوى الله. قال لقمان: تقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة وطول السكوت عما لا يغنيني. عباد الله، من حكم لقمان أنه قيل بأنه قال: إن الله إذا استودع شيئا حفظه، وقال: يا بني أكثر من قول رب اغفر لي فإن لله ساعة لا يرد فيها سائلا، وقال: يا بني اتخذ تقوى الله تجارة يأتيك الربح من غير بضاعة، وقال: يا بني من كذب ذاب ماء وجهه ومن ساء خلقه كثر غمه. ونقل الصخر من موضعها أيسر من إفهام من لا يفهم، أيسر من إفهام من لا يفهم. وقيل أنه قال: يا بني لا يأكل طعامك إلا الأتقياء وشاور في أمرك العلماء، وقال: يا بني إن الحكمة أجلست المساكن مجالس الملوك، وقال: يا بني إياك والدين فإنه الذل في النهار وهم في الليل. وقيل أنه قال: يا بني تخير المجالس على عينيك، فإن وجدت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، فإن كنت عالما نفعك علمك، وإن كنت جاهلا علموك، ولعل الله أن يطلع عليهم برحمة فتصيبك معهم. وإن وجدت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، فإن كنت عالما لم ينفعك علمك، وإن كنت جاهلا زادوك غيا، ولعل الله أن يطلع عليهم بنقمة فتصيبك معهم. وقيل إن السيد الذي يعمل عنده لقمان قال له يوما ما: اذبح لنا شاة واتني بأطيب مضغتين فيها. فأتاه لقمان باللسان والقلب، ثم قال له يوما آخر: اذبح لنا شاة وألقي أخبث مضغتين فيها. وألقى لقمان اللسان والقلب، فتعجب سيده من تصرفه، ولما سأله عن ذلك قال له لقمان: إنه ليس شيء بأطيب من القلب واللسان إذا طابا، ولا شيء بأخبث منهما، ولا شيء بأخبث منهما إذا خبثا. وقال جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم لكل ذنب فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. استغفر الله. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، chaque croyant, chaque croyante, dans divers versets, comme on a pu relater cela dans le sermon précédent, Allah Azza wa Jal nous enseigne qu'il nous a relaté, narré des histoires dans son noble livre, dans le Coran. Ces histoires, il faut les méditer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: نحن نقص عليك أحسن القصص. Allah dit au prophète, nous te racontons les meilleures des histoires, ces histoires qui sont les meilleures. بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Et donc dans de nombreux versets, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il nous a enseigné des histoires dans son livre. إن هذا لهو القصص الحق. Et voici des histoires véridiques, nous dit dans un autre verset notre Créateur. Ibad Allah. Aujourd'hui, on va se faire un rappel avec une histoire que nous relate Allah Azza wa Jal au sujet d'un homme qui se nomme Luqman alayhi salam, que la paix soit sur lui. Et d'ailleurs, il y a dans le Coran une sourate qui se nomme, qui est intitulée, la sourate de Luqman alayhi salam. Et Luqman, parmi les choses dont il était connu et célèbre, et parmi les choses qu'Allah Azza wa Jal lui a octroyées et lui a donné parmi les faveurs, al-hikmah, ce qu'on appelle la sagesse. C'est ce qu'on va essayer de comprendre et de tirer comme leçon à travers l'histoire de Luqman, la sagesse. La sagesse, ce comportement dont doit se doter tout croyant et toute croyante. Il faut avoir de la sagesse, il faut agir avec sagesse. Et ça fait partie des biens immenses. Et pour cela, les savants nous disent que la sagesse, c'est un bien, c'est une faveur qu'Allah Azza wa Jal octroie à ses serviteurs. Et Allah n'octroie pas la sagesse à n'importe qui. C'est pour cela que les prophètes et les messagers sont décrits comme étant des hommes qui avaient la sagesse, qui étaient sages. Et parmi eux, Allah Azza wa Jal nous dit qu'Allah Jalla wa Ala, parmi eux, c'est-à-dire parmi ceux dont Allah Azza wa Jal a doté et a octroyé la sagesse, Luqman. Allah dans un verset nous dit, nous avons donné la sagesse à Luqman. Et dans des versets, regardez, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous parle de Luqman, nous dit dans une traduction rapprochée et relative du sens de ces versets, dans la sourate même Luqman, Allah nous dit, nous avons donné à Luqman la sagesse et lui avons enjoint, sois reconnaissant envers Allah, car quiconque est reconnaissant ne l'est que dans son propre intérêt. Quant à l'ingrat, Allah se suffit à lui-même et il est digne de louange. Mentionne lorsque Luqman exhorta son fils en lui disant, mon enfant, ne donne pas d'associé à Allah, car le polythéisme est une injustice immense. Nous avons enjoint à l'homme d'être bienveillant envers ses parents. Sa mère a subi pour lui peine sur peine, en le portant, en l'allaitant 2 années durant jusqu'à son sevrage. Sois donc reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. C'est vers moi seul que tous feront retour. S'ils te poussent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas en cela, tout en te comportant en les accompagnant ici-bas avec bienfaisance, avec bonté. Sois ou suis le sentier de celui qui revient vers moi repentant. Ensuite, c'est vers moi seul que vous ferez retour, et je vous informerai de ce que vous faisiez. Ô mon enfant, dit Luqman, toute faute, fut-elle du poids d'un grain de moutarde, dissimulée dans un rocher, dans les cieux ou sur la terre, Allah le fera venir au jour de la résurrection. Allah connaît les choses les plus subtiles et il est l'omniscient. Ô mon enfant, dit Luqman, observe la prière, ordonne le bien, interdis le mal et endure les torts que cela te causera. Il lui dit, ceci fait partie des préceptes divins, demandant une forte détermination, ne te détourne pas ou ne détourne pas ton visage des hommes par mépris. Ne foule pas la terre par fatuité. Là, Luqman enseigne à son fils sa manière de marcher sur terre en lui disant, et ne marche pas sur terre avec fatuité, car Allah n'aime pas tout présomptueux arrogant. Marche de manière pondérée et baisse la voix, car aucun son n'est plus détestable que le braiement des ânes. Voici des passages qui nous sont relatés dans la sourate Luqman. Et donc parmi les choses qu'Allah Azza wa Jal a donné à Luqman dans le début de ces versets, Allah nous dit qu'il a donné à Luqman la sagesse. C'est pour cela que la sagesse, c'est quelque chose d'immense. C'est un don qu'Allah Azzawajal fait à ses serviteurs. C'est une faveur venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut s'efforcer dans notre vie d'être sage, de faire preuve de sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Des savants disent dans une très belle parole, ils disent la sagesse c'est la parole qui convient, à la personne qui convient, au moment qui convient, de la mesure qui convient, par la manière qu'il convient. Je vous la répète. Les ulama disent al-hikmatu hiya al-qawl al-munasibu. للشخص المناسب في الوقت المناسب بالمقدار المناسب والأسلوب المناسب. Voici la sagesse. وضع الشيء في موضعه. C'est que tu mettes la chose à son endroit. Et en d'autres termes, écoutez bien cette parole très pertinente, les savants disent donc, qu'est-ce que la sagesse? Puisqu'il faut être sage. Comment être sage? Qu'est-ce que donc la sagesse? La sagesse, c'est mettre la parole qui convient pour la personne qu'il convient, au moment qu'il convient, de la mesure qu'il convient et de la manière qui convient. Ibad Allah. Il nous est rapporté comme le rapporte l'imam Suyuti. Donc ce que j'ai rapporté en arabe tout à l'heure, c'est dans un livre, on peut retrouver cela dans un livre du grand imam, l'imam Suyuti. Il relate, comme il est relaté, qu'un jour, un homme passa devant Luqman et lui dit, « Oh Luqman, n'étais-tu pas avant un homme de telle tribu ?» Et Luqman lui dit, « Oui, ne gardais-tu pas les pâturages dans cette montagne à l'époque ?» Et Luqman lui dit, « Oui. Alors, qu'es-tu devenu ? Qu'est-il arrivé ?» Alors il lui dit, « La crainte d'Allah, le fait de dire la vérité, le fait de tenir le dépôt, de restituer le dépôt, d'être honnête face au dépôt, et dit le fait de garder un long silence au sujet des choses qui ne me concernent pas. » Dans une autre sagesse, il est rapporté que Luqman dit un jour, « Celui qui confie quelque chose à Allah Azza wa Jal, Allah protégera cette chose confiée. » Et dans une autre sagesse qu'il est rapporté envers son fils, il dit, « Ô mon fils, multiplie la demande de pardon envers ton Créateur. Demande le pardon à ton Créateur, car il y a une heure où la demande de pardon n'est pas rejetée. Ô mon fils, ittakhidh taqwallaha tijara, fais de la crainte d'Allah un commerce, car te viendra le gain de ce commerce sans marchandise. » Un jour il dit, ô mon fils, celui qui ment, alors l'eau de son visage se dissipera, et celui qui a un mauvais comportement, se multiplieront ses soucis et ses angoisses. Et il dit dans sa sagesse, transporter un immense rocher est plus facile que de faire comprendre quelque chose à une personne qui ne comprend pas. Dans une autre sagesse, il dit, ô mon fils, fais que celui qui mange de ta nourriture soit impieux et concerte dans tes affaires les gens doués de savoir, al-ulama, les savants. Dans une autre sagesse, il dit, ô mon fils, إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. La sagesse a fait asseoir certains pauvres dans les assises des rois. Certains pauvres qui avaient atteint la sagesse, et bien par cela, par cette sagesse-là, ils ont pu s'asseoir dans les assises des rois. Ô mon fils, إياك والدين, fais attention, préserve-toi de la dette, car la dette est une humiliation la journée et un souci la nuit. Ya Bunaï, ô mon fils, choisis la bonne assise. Lorsqu'il y a une assise où il y a l'évocation d'Allah, alors assis-toi. Fa'in kunta aliman, nafa'aka ilmuk. Et si tu as la connaissance, tu as le savoir, ton savoir sera utile. Et si tu es ignorant, ils t'enseigneront. Et peut-être qu'Allah Azza wa Jal fera descendre la miséricorde sur ce cercle, sur cette assise, et tu profiteras de cette miséricorde qui est descendue sur ce cercle. Ô mon fils, par contre, ne t'assois pas dans une assise où il n'y a pas l'évocation d'Allah. Car si tu es savant, ton savoir ne sera point profitable. Et si tu es ignorant, alors ils rajouteront de ton avilité. Ô Allah. Et s'il dit Allah Azza wa Jal fait descendre sur eux un niqma, qui est le contraire de la miséricorde, un niqma, quelque chose de, une calamité sur eux, alors celle-ci t'atteindra et celle-ci te touchera. Un jour il est rapporté qu'un homme a dit à Luqman, chez qui il était employé, il lui dit ramène-moi une brebis après que tu l'aies égorgée. Et il lui dit, ramène-moi deux morceaux, deux mots de rat, deux morceaux de cette brebis, parmi les meilleurs morceaux. Alors il lui a ramené la langue et le cœur. Ensuite, un autre jour, son employeur lui dit, immole une brebis et ramène-moi justement les deux plus mauvais mots de rat. Alors, Luqman est venu avec encore la langue et le qalb et les a jetés. Alors son employeur Ta'adjab s'est étonné. Ta'adjab wa sa'ala. Il lui a demandé, l'interroger au sujet de cela. Et là Luqman lui dit, ces deux membres, la langue et le cœur, lorsqu'ils sont bons, c'est les deux meilleurs membres. Mais lorsqu'ils sont mauvais, c'est les deux mauvais ou plus mauvais membres. Ça, ça fait partie des sagesses que l'imam As-Suyuti rapporte au sujet de Luqman. Fa'alayna bil hikma. À nous de se comporter avec sagesse. On a besoin de sagesse. La sagesse, on en a besoin tous les jours, à chaque moment. Que ce soit dans notre travail, dans notre vie professionnelle, que ce soit dans notre foyer, dans notre demeure, avec les membres de notre famille, dans l'éducation de nos enfants. On a besoin de hikma. Dans la mosquée, lorsqu'on est dans la mosquée, dans ce lieu de culte, pour adorer Allah Azza wa Jalla, la plus forte raison, on a besoin de hikmah. Et beaucoup de gens, et on se plaint constamment du manque de sagesse. Du manque de sagesse des gens qui nous environnent, des gens qui nous entourent. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on a choisi ce sujet aussi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une facilité. Il est très aisé pour un cœur de s'endurcir. Pourquoi ? Parce que les gens vivent dans leur routine chaque jour. Et parfois, on manque de rappel d'Allah Azza wa Jal. Et donc les cœurs s'endurcissent. Et lorsque le cœur s'endurcit, alors ensuite on manque de sagesse. Et les gens deviennent de plus en plus stressés. Et vivent dans l'angoisse, dans l'anxiété. Alors on manque de douceur. On manque de sagesse. Sauf que la sagesse n'est pas forcément la douceur. La sagesse c'est la bonté, c'est la bienfaisance, c'est la douceur. C'est mettre la chose à son endroit bien précis. C'est la parole qui convient à la personne qui convient, au moment qui convient, de la manière qui convient, comme on l'a relaté précédemment. Alors faisons preuve de sagesse avec nos proches, avec nos amis, avec les fidèles lorsqu'on est à la mosquée. Celui qui a une autorité, c'est-à-dire celui qui a une responsabilité, qu'il soit sage avec ceux qui sont sous sa responsabilité. Celui qui est sous la responsabilité d'un responsable, lui aussi, qu'il soit sage et fait preuve de sagesse. Si tu vois ensuite que tu es une personne dotée de bonté et de sagesse, toi mon frère ou ma sœur, alors sache que c'est une chose qu'Allah Azza wa Jal t'a octroyée et t'a dotée. Et sache que pour terminer, ça c'est ce qu'avaient les prophètes et les messagers. Ça fait partie de la description des caractéristiques des prophètes et des messagers. Allah leur a donné al-hikmah, la sagesse. Et Allah nous dit dans son livre, celui à qui Allah Azza wa Jal a donné al-hikmah, il lui a donné un khair qui est immense, un bien immense. Donc si tu as la sagesse, sache qu'Allah Azza wa Jal t'a doté d'un bien immense. Idan fi da'watik, dans ta prédication, sois sage. Lorsque tu enseignes, sois sage. Lorsque tu parles, sois sage. Lorsque tu conseilles, sois sage. Lorsque tu es en relation dans le relationnel, sois sage. Le commerçant, qu'il soit sage avec ses clients. Et les clients aussi qui font preuve de sagesse. Si on atteint de sagesse, si on atteint la sagesse, alors vous verrez qu'on vivra en harmonie. Et de ce fait, comme cela, on peut atteindre les hauts degrés du paradis. Car comme Luqman, il est rapporté dans une sagesse, il dit, celui qui a un mauvais comportement, alors ses soucis vont se multiplier.